I walk the line de Johnny Cash. En français, par exemple. Je garde un œil sur le cœur qui m'appartient. Je passe pas d'un tunnel car je veux jamais voir la fin. Si l'amour est une voie ferrée, moi je suis un grand train. Because you're mine, I walk the line. Oh! Vraiment facile d'être bien honnête. Je me sens comme un flot qui déballe ses cadeaux de fête. Si l'amour est un Nintendo, moi je perds la tête. Because you're mine, I walk the line. Ok, c'est beau l'amour. Moment de tendresse ici. T'as trouvé la façon de me garder tout pour toi. Je me sens comme un sanglier des mains d'un Gaulois. Si l'amour est un gros festin, je t'invite chez moi. Because you're mine, I walk the line.